chante avec nous. Ah, c'est parti. Allons, y va. Salut auditrices, auditeurs de Sorge FM, bonjour. Et c'est Michel à votre compagnie ce dimanche matin qui va vous présenter Accordéon Parade. nous étions au Dancing Le Floréal avec notre ami Pierre-François Andrioli, un sympathique acteur de Nice qui nous vient de Corse. Et je vous rappelle que vous êtes toujours sur les 91 MHz de Sorge FM et que vous êtes en compagnie de Michel. Et on continue avec un sympathique accordéoniste qui nous vient du Tyrol. C'est Oscar Thomas. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur Sorgia FM, comme tous les dimanches, entre 9h et 10h, Michel vous donne rendez-vous avec Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. Pour continuer Accordéon Parade, eh bien c'est l'Alouette. Et oui, on va danser une polka avec Alouette. Et c'est le sympathique Roland Zaninetti qui est à l'accordéon. Allez, vas-y Roland! Thank you. Polka. Non, non, non, non, pas Polka, Java. J. Elle posait sa quenouillette parmi les blancs genêts, en cueillant la pâquerette, oh le charmant bouquet, écoutant le doux langage de cette fleur. Elle entend dans le bocage le bon charmeur, dans les feuilles frissonnantes passent des rêves bleus et des visions troublantes charment ses jeunes yeux. Que lui dit le doux langage de la modeste fleur que chante dans le bocage le grand charmeur? Posait sa quenouillette parmi les blancs genêts, en cueillant la pâquerette, oh le charmant bouquet, écoutant le doux langage de cette fleur. Elle entend dans le bocage le bon charmeur, dans les feuilles frissonnantes passent des rêves bleus et des visions troublantes charment ses jeunes yeux. Que lui dit le doux langage de la modeste fleur que chante dans le bocage le vent charmeur? Merci Jean Dolène. Jean Dolène, sympathique accordéoniste qui nous vient d'Alsace. Et on continue avec une ambiance jurassienne. Les accordéonistes jurassiens. Merci aux deux Gilbert de nous avoir fait valser avec cette ambiance, une ambiance jurassienne. Et on continue avec un paso doble. « Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, tous les dimanches, à partir de 9h, et toute la matinée, l'accordéon est roi. Avec une émission que vous propose Michel, et voilà 35 ans que ça dure, Accordéon Parade. Ne connaissez pas Michel? Eh bien, c'est un gars qui vagabonde, c'est un vagabond musette, comme dit Thierry Monico avec son accordéon. musique et ta cadence. Oh Louisiana, chez nous autres ça balance. Car on est Cajun et ça balance comme en France. Ouais, on est Cajun, c'est ce qui fait la différence. Je repense à ma Clémence. Au Bayou Land, j'entends jouer ta musique. Au Bayou Land, t'es bien loin de moi l'Amérique. Merci à Alexis Hervé. Alexis Hervé, le petit protégé de notre accordéoniste que vous connaissez bien, qui joue le même style que, ben, qu'Alexis Hervé. Et bien voilà, c'était Alexis Hervé qui vient nous interpréter au Louisiana. Allez, on continue avec un tango, un merveilleux tango. Quant à l'accordéoniste que j'ai pas dit non, et bien c'était Pierre-André. Thank you. Merci à l'orchestre Borghesi d'Italie qui nous interprétait ce merveilleux tango. Et on continue avec un grand monsieur de l'accordéon, Tony Murena, qui nous interprète Mignonette. Et ça tourne. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est bien Accordéon Parade que vous écoutez ce dimanche ou ce mardi, puisque l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Une émission pour les mordus du dépliant, et c'est 100% musette sur la bande FM. Tous les dimanches de 9h à 10h. Et maintenant, eh bien sûr, maintenant, c'est de l'accordéon qu'on va écouter. Et on va écouter un accordéoniste qui interprète vraiment le style musette. C'est notre ami Jules Lantien qui rêve d'être un accordéoniste. Monsieur Jules Lantien. Thank you. Merci à Étienne de Normandie qui vient de nous interpréter Accordéon Musette, grand succès de notre ami Albert Huard, qui a été composé dans les années 1930. Et c'est toujours à la mode. Allez, maintenant on va faire un petit passo-doble. Et c'est le sympathique Vosgien Frédéric Buch qui nous amène au relais avec le passo-doble du relais. Et bah oui, bravo à Frédéric Buch qui vient nous interpréter ce merveilleux passodoble de sa composition. Maintenant, et bien maintenant, c'est un accordéoniste qui a eu son heure de gloire dans les années 60, je pense, 50-60. C'est Gaston Temporel, qui va nous interpréter un tango. Vas-y Gaston. Thank you. Te quiero était le titre de ce tango. Et puis, sur la radio en ce moment, ça souffle une petite brise. Une petite brise napolitaine. Et c'est Manu Mauguin à l'accordéon. Sympathique accordéoniste qui nous vient de Pontarlier. Papa Albert Huard a composé cette valse qu'on écoute en ce moment, accordéon musette. Et avant, c'était le fils Albert Huard Junior qui nous a interprété une composition du papa de 1930 à l'Alhambra. Toujours accordéon parade que vous écoutez, vous êtes en compagnie de Michel. Merci d'avoir été avec moi ce dimanche pour Accordéon Parade. Émission 100% musette, une émission pour les mordus du dépliant. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Un bon dimanche, bien sûr, et un bon mardi, puisque l'émission est rediffusée mardi à partir de 10h. Salut les amis et à bientôt. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci au grand Julo qui vient de nous interpréter la marche des accordéonistes. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Il est là, c'est du direct. 10h10 sur les 91 MHz de Sorgia FM ce dimanche. Et vous êtes en compagnie de Michel pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Avez-vous passé de bonnes vacances? Comment? Ah, j'étais courte. Et oui, demain, c'est les reprises. Et pour Michel, la reprise, eh bien, c'est aujourd'hui, puisque Michel a eu un mois de vacances. Oh, le vénard! Thank you. Pendant les vacances, j'ai entendu certaines choses qui m'ont déplu, mais je vous le dirai au cours de l'émission. Ah, Michel, c'est un sacré râleur. Ou plutôt non, c'est vous, auditrice, auditeur de Sorgia FM, qui râlez. Et Michel a enregistré. Mais pendant les vacances, j'ai eu la chance de connaître une sympathique jeune fille. Et j'ai demandé à Pierre Perret de vous la présenter. C'est Blanche. Voici exactement, voici messieurs, mesdames, comment l'amour creva mon horizon sans joie. Elle s'appelait Blanche et c'était une flamme, mais oserais-je un jour chanter ce refrain-là? En entrant dans le lit, je l'ai sentie nerveuse. Sur le drap de couleur, sa chair devint rosée. Sa peau me criait viens et sa bouche fiévreuse murmurait pas encore, refusant mes baisers. Blanche, oh ma Blanche, sauvage au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. Blanche était un volcan, c'était plus qu'une flamme, un brasier que nul homme n'avait pu allumer. Moi j'ignorais ses dons, je ne sais rien des femmes, et je n'ai su qu'après j'étais le premier. Que ma plume aille droit s'il faut que je l'écrive, tandis que ses seins ronds échappaient à mes mains, que ses cuisses fuyaient comme de truites vives. Moi fou, déconcerté, je n'y comprenais rien. Blanche, oh, ton regard suppliant d'animal pris au piège, je le revois souvent. Je me suis fait pêcheur pour attraper ces truites, je me suis fait sculpteur pour mouler ces seins blancs. J'ai dû lutter des heures avec cette petite furie qui aiguisait sur moi ses jeunes dents. J'ai chevauché ainsi ma plus belle pouliche, alors que je traînais mon ennui dans Paris. Je cherche en vain depuis cette orchidée de riche qui dans ma pauvre chambre un beau soir a fleuri. Blanche, oh ma Blanche, sauvage au rouge cœur, le piment de tes lèvres est resté en mon cœur. L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une aussi épaisse moiteur. Pour la douceur. deuxième fois de la soirée, Jeanne et Gravel est emmerdée. Troisième bouton de son vestier pour trois matelots vraiment flippés. À la grande table de poker, deux as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sur le revolver. Macao, Macao, Macao. L'énorme et vieux ventilateur mélangeait friture et sueur. On sentait monter la terreur comme s'il y avait plus de pesanteur. Fred écroulait sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardez partir sa mado au bras d'un gigantesque travelot. Et soudain, le coup de feu. Le vicomte morfle entre les deux yeux. Pour une fois qu'il avait du jeu, rigole Max en rangeant son feu. Macao, Macao, Macao. Merci à l'orchestre du Splendide qui vient de nous interpréter Macao. Eh bien voilà, oui, je vais vous raconter ma petite histoire que j'ai entendue dans une grande surface à Bellegarde. C'était au mois d'août à une caisse. J'étais à une caisse, j'allais passer et à côté de derrière moi, il y avait deux jeunes dames qui discutaient entre elles. Puis il y en a une qui dit, tu sais, maintenant je fais le dentiste. Comment tu fais le dentiste? Eh oui, je fais le dentiste parce que mon fiston qui a un appareil dans la bouche s'est décroché et s'était mis en travers dans le palais, tout ça, alors ça lui faisait mal. Ah oh, ben oui, mais t'es allé au dentiste. Penses-tu, il n'y a pas de dentiste? Comment il n'y a pas de dentiste? Non, il n'y a pas de dentiste. Je suis allé chez mon dentiste à Bellegarde, on m'a dit qu'il était en vacances, qu'il ne pouvait pas me prendre et on m'a dirigé vers Saint-Genis-Pouilly. Il y a deux dentistes, pareil, là-bas, alors... J'ai téléphoné à Saint-Genis-Pouilly, ils m'ont demandé ce qu'il avait, je leur ai dit, et puis ils m'ont dit, ben non, on ne peut pas, parce que tout dépend du traitement qu'il a eu, on ne peut pas toucher. Alors, on dit, vraiment, puis le gamin, il avait mal, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais téléphoner à Cécile, puisque aussi il y a deux dentistes. Téléphoner à Cécile, aux deux dentistes. Malheureusement, manque de chance, elle n'était pas cliente chez les dentistes à Cécile et ils n'ont pas pu la prendre puisqu'elle n'était jamais venue à Cécile, cette personne. Alors voilà, alors, et qu'est-ce que tu as fait alors? Eh bien, j'ai pris la pince à épiler puis j'ai un peu turlupiné dans le palais, ça lui a fait... Enfin, ça s'est décroché. Bon, j'ai réussi à calmer un peu la douleur. Puis après, on est allé voir un autre dentiste. On a trouvé quand même un autre dentiste. Mais tu te rends compte, ça peut t'arriver quelque chose, histoire de dents ou autre chose. Qu'est-ce qu'on devient? Mais oui, c'est triste. Être au 21e siècle et puis voir des choses pareilles. Mais c'est incroyable! Comment on vit? Eh bien oui, on vit comme ça. Et dire que quand on était jeune, il y avait un dentiste, ça marchait toujours. On avait un problème, toc, on allait chez le dentiste. Il y avait toujours un dentiste, tandis que maintenant, puis c'est ça, pas rien que pour les dentistes. Hein. Enfin, tant pis. Eh bien, on va écouter, pour ces deux dames, j'ai programmé, on va écouter le Henri Salvador qui va nous interpréter le blues du dentiste. Et dommage que j'avais pas mon magnétophone, car j'aurais pu enregistrer la conversation. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme durant. Quel dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie au suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents. Celle que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit, il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refile 50 bananes. Oh maman, et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier, entre voisins faut s'entraider. Oh, et moi je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir. Qui est plus dedans, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me lève, fraîche, me... Merci à Henri Salvador qui vient de nous interpréter une chanson créée par Boris Vian, le blues du dentiste. Thank you. Eh bien, maintenant, nous allons faire une petite dédicace. Une petite dédicace pour mamie de Sorgia qui a eu 85 printemps, il n'y a pas tellement longtemps. Alors, de la part de sa fille et de son petit-fils Sylvain, on souhaite un bon anniversaire à la mamie de Sorgia. Eh bien, nous allons écouter Les yeux de la maman et c'est Kenji Chirac. Bon anniversaire à vous, mamie de Sorgia. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ce geste. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Eh bien, bon anniversaire à la mamie de Sorgia. Et puis, Kenji Chirac, c'était pour elle de la part de sa fille et de son petit-fils. Maintenant, on va écouter un comique qui vient de nous quitter ce mois d'août. Il y a une quinzaine de jours, il nous a quittés à l'hôpital de Strasbourg. C'était Jean-Marie Arus, sympathique comique vosgien qui est de Colmar. Et il nous a quittés à l'âge de 62 ans. Mais on va l'écouter. Et moi, je l'avais vu il y a 4 ans. J'étais monté en Lorraine il y a 4 ans. Je l'avais vu à Creusval et on avait bien rigolé. Alors, on écoute et regardez comme l'introduction qu'il nous fait avant de venir sur scène. Allez, Jean-Marie Arus, qui va nous parler de sa belle-mère, Jean-Marie Arus. Et maintenant, il frappe même dans les mains. Le mariage, c'est pas la mère à boire. C'est aussi la belle-mère à avaler. Je n'étais pas le seul à avoir des problèmes avec ma belle-mère. Ah non, moi, je me rappelle mon copain Foussi, un jour, je l'ai rencontré sur le parking du vétérinaire. Il était avec son chien, je dis Foussi, où tu vas? Il m'a dit, je vais chez le vétérinaire, le chien, il a mordu la belle-mère. J'ai dit, arrête maintenant, Tu vas pas le faire piquer pour ça. Il me dit, piquer, t'es malade, je vais lui faire aiguiser les dents, oui. Hein. Et un jour, à Colmar, rue du Ladoff, là où il y a le cimetière, j'ai vu passer un corbillard avec deux cercueils dedans. Derrière, il y avait un homme qui marchait avec son chien. Et derrière lui, il y avait 250 bonhommes. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? J'allais voir le bonhomme devant avec le chien. J'ai dit, monsieur, c'est peut-être pas le moment, mais là, je suis trop curieux. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là, un corbillard, deux cercueils? Qu'est-ce que c'est? Il me dit, monsieur, dans le cercueil de gauche, il y a mon épouse. Elle a énervé mon chien. Mon chien n'a pas supporté. Il lui a sauté la gorge. Elle a secoué deux fois. Ma femme est morte. J'ai dans le cercueil de droite, il me dit, ma belle-mère. Ma belle-mère qui a voulu défendre sa fille, le chien ne s'est pas laissé faire. Il lui a sauté à la gorge. Il a secoué deux fois. Ma belle-mère est morte. J'ai dit, pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez me prêter votre chien, s'il vous plaît? Longtemps que ça s'est passé, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai le cœur entre plein d'achats et colombiers. C'est ici que ma vie s'est écoulée, c'est ici que je la finirai. J'aime Artemar et son château, la vue qu'on a de l'Inno à Cerverieux. La cascade, le château d'Hostel à Belmont, la biche, le col de Richemont, Vauglans, Nérieux, Violéaz. Je suis tombé en amour avec le Val Romain. Ça fait bien longtemps que ça s'est passé, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai le cœur entre Planacha et Colombier. C'est ici que ma vie s'est écoulée, c'est ici que je la finirai. J'aime les gorges de Turinien, vieux et ses vestiges romains, le pain de sucre, le banc des dames, le lac des Aliettes à son yeux, le puits d'Étine à l'Ognieux, et me promener dans Champagne. Je suis tombé en amour avec le bal romain. Ça fait bien longtemps que ça s'est passé, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai le cœur entre Planachat et Colombier. C'est ici que ma vie s'est écoulée, c'est ici que je la finirai. J'aime le petit aberchement, marcher le long du serran, faire du ski de fond à la chasse. La foire agricole à automne, faire la chèvre au plan d'automne, le clair de lune à Prénat. J'suis tombé en amour avec le bal romain. Ça fait bien longtemps que ça s'est passé, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai le cœur entre Planachat et Colombier. C'est ici que ma vie s'est écoulée, c'est ici que je la finirai. Alors si t'es comme moi en amour, chante. La la la, la la la la la la la la la la la la la. Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai le cœur entre Planachat et Colombier. C'est ici que ma vie s'est écoulée, c'est ici que je la finirai. La la la, la la la. Et oui, nous étions en amour avec le Val Romain et c'était Jean-Marc Leclerc qui vient de nous interpréter un morceau de sa composition. Maintenant, nous allons écouter le dernier succès de Jennifer, notre idylle Jennifer. Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes? Tu dis partir avec toi en exil. Mon amour, je baisse les bras. En péril, je me sens si loin de toi. Notre idylle. Vous aimez l'accordéon? Vous aimez la bonne variété française? Écoutez sur GFM. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter sur GFM sur Internet, en podcast, ses émissions, ses animateurs. Une émission vous a plu? Eh bien, Internet, podcast. Autrement, vous pouvez me retrouver tous les dimanches matins entre 9h et 11h et le mardi pour la rediffusion de l'émission d'Accordéon Parade et de Variété. Sur 91, 102.5, c'est les fréquences de sur GFM. Thank you. grand-ma Jack dit, j'ai une femme qui est tableau, j'ai pire qu'un ami, à la havane comme Antonio. Je n'ai vraiment point commode d'avoir une femme comme ça. J'ai plus aucun garde-robe quand un achat a ses deux bras. Et barbe chez mes chats, mais je vais vous dire franchement, quand je vaux Mélanie, elle file Gaston Macaron. J'ai me figure calpalie et j'ai ma sang qui tourne à goudron. J'ai un béguin pour elle qui grandit jour à jour. Et je vous assure, j'aime brûlerons la cervelle. C'est trop certain qu'elle m'a refusé cet amour. Comme chez toi hier est fête, j'ai mis ma bio costume, mes gants et mes cochettes et ma capio avec un plume. J'ai mis une plus belle cravate, mes bottines à boutons, et puis une belle rosace à la boutonnière et ma veston. J'ai tout comme un petit prince, merveille chez chaque et le verse. Là que je vaux Mélanie, qu'elle sort des maisons avec Elgar Champlavie, qui lit mes dos, ma patte sur cet étang. Jean Robin, la queue faible, un Harvé change tableau. J'ai resté là, aussi mou qu'un lavette. Achat vraiment, Mélanie, je n'ai pas bio. Après toute cette aventure, vêtier ce qui est arrivé. Je vais au bac à ce tournure, y'a vos quêtes qu'on s'est dérangé. Alors je demande à ce maire, qu'est-ce qu'a la Mélanie? La cale à un derrière comme une grosse vente à une prairie. Smeral m'a répondu, il faut drôle vire tout nu. Oh petite Mélanie, allez ban affligée. J'ai été le garçon de la vie, à grattant qu'il y a fait un accès. J'ai malheureux pour elle, elle est tellement gonflée qu'elle pourra plus mettre ses blouses à dentelle. Sa corde jotale qui est cassée à moitié. José, der Straßenmusikant. Olé, olé, der Straßenmusikant. Von nah und fern kommt alles angerannt. Olé, olé, der Straßenmusikant. Sing! Oh, oh, oh, oh. Alle singen! Oh, José, der Straßenmusikant. Olé, olé.